m'aimes ou que tu m'aimes pas, de toute façon je m'en fous. De toute façon je m'en fous. Il s'énerve quand t'as du bénef. Il aimerait traîner avec toi mais tu l'esquives, tu le délaisses. Parce qu'il s'est manqué plusieurs fois mais c'est pas sa faute. Bien et moche il a pas la cote, il a la poisse sur ses côtes. On sait même plus qui c'est ses potes. Mais non c'est pas sa faute, j'en veux pas, il est comme un autre. Le soleil se lève pour tout le monde. Aujourd'hui il pète, demain il te lève les menottes. C'est une maladie, la jalousie. Les paroles se transforment en balles de Uzi. Le jaloux il rigole aujourd'hui, demain il sera bizarre. On le connaît, jaloux, on te connaît. On m'a dit qu'on t'a vu parler avec des gros bâtards et tu fais style. Y'a R, alors on rentre dans ton jeu et on fait style aussi. À chaque fois que sort un album, on le voit tous revenir. Le jaloux, il a pas honte, il pense à son avenir. Le jaloux, s'il a fait une fois, il le refera toute sa vie. Le jaloux, il veut te faire couler ton navire, le jaloux. Le jaloux, il remixe les histoires des autres, tu fais des poussettes. Le jaloux, il dit n'importe quoi après des culs secs. Le jaloux, il veut ma vie mais il n'y arrive pas. Le jaloux, pourtant elle est pas si bien que ça. Quand tu sur Snap on bande de panneaux. A la base tous les jours on se fait la bise. Mais t'échauffes pas, ne mets pas le nez dans mon bise. J'sais que tu t'échauffes en fait mais j'sais que t'as pas win. C'est que quand tu parles même en bien de moi tu mets la guigne. Alors jaloux, et bois un coup. Tiens c'est pour moi, mais tu me dégoûtes. En fait, moi j'ai remarqué jaloux, il veut rentrer dans ton équipe. Ne le sous-estime jamais car avec 2-3 points il s'équipe. Il te voit sourire, tu le vois s'ouvrir. Il te voit mettre bien les gens, il veut t'en dire. C'est moi dans l'audit, quand t'entends le bruit. Jaloux, t'appelles la police, tu n'es qu'une salope. Le jaloux, il remixe les histoires des autres, tu fais des poussettes. Le jaloux, il dit n'importe quoi après de cul sec. Le jaloux, il veut ma vie mais il n'y arrive pas. Le jaloux, pourtant elle est pas si bien que ça. Tu es jaloux, peut-être que c'est sans le vouloir. Mais tu es jaloux, tu veux l'argent, les femmes, le pouvoir. Tu es jaloux, tu penses qu'à nous, faire comme nous t'aimerais pouvoir. Tu es jaloux.